Oh no no ma, l'Africa no ma ma ma. Oh no no ma, le peuple no ma ma ma. Des généraux aux commandes, des populations opprimées, les fournis payés de la paix, assassinant nos gouvernements, les aides pays détournés, les droits de l'homme ignorés. On en a marre, l'Afrique en a marre. On vous entend pas d'accord. Ils ont créé la colonisation, lorsqu'on a trouvé la solution, ils ont créé la coopération, comme on ces situations, ils ont créé la mondialisation, et sans expliquer la mondialisation, c'est Babylone qui nous exploite. L'Afrique en a marre. Un peu plus fort.